George Michael sur France Bleu Héros. Bienvenue au Grand Hôtel France Bleu Héros. Et ça y est, c'est l'heure d'aller se reposer dans notre grand hôtel avec plein de gens célèbres, d'acteurs, de journalistes, des humoristes aussi. Si vous reconnaissez la voix de l'occupant de la chambre 34, vous gagnez vos places pour aller voir Jean-Marie Bigard à Palavas samedi. On va aller frapper à la porte de la chambre 34. Room service. Moi, je peux avoir jusqu'à des hallucinations auditives et ou visuelles. Donc, je peux voir des trucs ou imaginer des trucs. Imaginez avoir entendu des trucs. Si vous reconnaissez la voix de ce monsieur qui occupe la chambre 34, vous gagnez vos places pour aller voir Jean-Marie Bigard dans son spectacle Bigard and Friends, samedi aux arènes de Palavas. Un indice sur l'occupant de la chambre 34, ses deux derniers spectacles s'appelaient Vente de pièces à Beyrouth et Anesthésie générale. On réécoute sa voix. Moi, je peux avoir jusqu'à des hallucinations auditives et ou visuelles. Donc, je peux voir des trucs ou imaginer des trucs. Imaginez avoir entendu des trucs. Pour joindre la réception du Grand Hôtel France Bleu Héros, appelez le 04 67 58 6000. On attend vos théories. On se retrouve juste après Angèle avec Libre sur France Bleu Héros. Libre, me voilà, c'est ma voix. voilà. Angèle avec Libre sur France Bleu Héros. Bienvenue au Grand Hôtel France Bleu Héros. Il est très très beau cet hôtel, on est vraiment bien dedans et Virgile a décidé de venir passer à faire un petit tour, boire un petit thé. Bonjour Virgile. Bonjour. Est-ce que vous passez un bel été Virgile ? Eh ben parfaitement, sous la chaleur, en train de travailler dans notre masse, voilà, on se fait plaisir, voilà, on profite aussi un petit peu de la famille bien sûr. Bon quand même, vous allez prendre des vacances ? La troisième semaine d'août, on part dans les Landes. Cette belle région aussi, pour profiter des vraies vagues aussi. Trop bien. Vous connaissez déjà donc les Landes, si je comprends bien. Ah oui, oui. C'est un endroit qu'on apprécie beaucoup en famille. Et on se ressource là-bas aussi. Parfait. Virgile, on va aller frapper à la... Encore, on le dérange beaucoup, ce pauvre monsieur, à la porte de la chambre 34 et vous allez me donner 34. Votre théorie. Ça marche ? Ça marche, on y va. Room service ! Moi, je peux avoir jusqu'à des hallucinations auditives et ou visuelles. Donc, je peux voir des trucs ou imaginer des trucs. Imaginer avoir entendu des trucs. Alors, Virgile, c'est qui ? Eh bien, c'est notre tant aimé Jérémy Ferrari. Exactement, champagne, Virgile, bravo. Super ! Tant aimé, vous l'aimez beaucoup, Jérémy Ferrari ? Oui, oui, oui, un humoriste avec tout son univers et puis très réfléchi sur plein de sujets. Donc, oui, ça me parle beaucoup. Allez, super, bravo Virgile, passez une bonne soirée samedi, merci beaucoup d'avoir appelé la radio. Eh bien, je vous remercie beaucoup et passez aussi un bel été. Merci. Merci encore. On écoute Coldplay avec Clocks tout de suite sur France Bleu Héros. Merci de nous avoir choisis. Try to see. Et Clocks, Coldplay sur France Bleu Hérault. France Bleu Hérault. Pour être sûr de ne rien manquer cet été. À Agnan, à partir du 18 août, pendant 3 jours, il y a le retour de Agnan en scène, avec donc 3 jours de théâtre, de clowns, de lecture, de cirque, des acrobates, des marionnettes. C'est 16 compagnies de spectacles vivants en tout qui sont invitées. Toutes les ruelles d'Agnan vont s'animer donc pendant 3 jours avec Agnan en scène à partir du 18 août. À Vias, à partir de ce soir, il y a le festival Vias on the Beach. Ce soir, il y a, ça commence donc ce soir à 21h30 avec Patrick Sébastien. Demain, ce sera la soirée kitsch, il faut venir déguiser évidemment pour faire la fête correctement à une soirée kitsch. Et puis le 11 août, il y aura un concert avec notamment Fred Carato, le saxophoniste déjanté. Vous retrouvez Fred Carato donc le 11 août en concert à Vias dans le cadre du festival Vias on the Beach. Et puis les 18 et 19 août au Domaine d'Eau, à la pinède nord du Domaine d'Eau, il y a la deuxième édition de Eau Millésime, avec la présence de nombreux vignerons, des interviews, des masterclass d'œnologues, de sommeliers, ainsi que des artistes et des concerts. Pour citer quelques-uns des vignerons présents, il y aura le domaine de Favas, le château de Fonsalade, le château Capion, le clos d'Isidore, ainsi que des producteurs de fromage, de charcuterie, de produits de la mer, des glaces au lait de brebis ou encore un pâtissier et un maraîcher. Il y a toutes sortes d'activités pour enfants qui sont organisées pour leur montrer par exemple les techniques d'extraction manuelle de jus de raisin. Il y a un atelier pour créer de l'eau aromatisée, des cagettes qui sont utilisées comme éléments de construction ou encore un atelier bricolage pour réutiliser des bouchons de liège. C'est donc les 18 et 19 août au Domaine d'Eau, à la pinède nord du Domaine d'Eau, la deuxième édition de Eau Millésime. Cet été, pour profiter du meilleur de notre département, faites confiance aux partenaires de France Bleu Hérault. Les Bateaux du Soleil à Agde pour découvrir le canal du Midi. Fiesta Park, le parc d'attractions familiales à Vic-la-Gardiole. Le musée parc des dinosaures à Metz. La base de canoë Réals pour découvrir la vallée de l'Orbe. Et remportez vos invitations en restant à l'écoute de France Bleu Hérault. Chaque soir de l'été, la meilleure musique en français dans le texte. Bleu Blanc Hit. Mais 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Les plus grands hits de la chanson française sont sur France Bleu. France Bleu Blanc Hit. Allez, France Bleu Blanc Hit, tous les soirs, tout l'été sur France Bleu, 20h-22h. France Bleu. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez ? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Hérault. Il est 18h, bonne soirée. Un mot sur vos conditions de circulation dans le département. Il y a eu un accident il y a quelques minutes sur la 709, juste après l'échangeur de Saint-Jean-de-Védas. Quand vous allez donc en direction de Montpellier, un accident qui a déjà généré un embouteillage assez important. Donc soyez prudents si vous arrivez sur cette portion d'autoroute. Sinon, au niveau de l'agglomération montpelliéraine, effectivement, ça coince au niveau de toutes les entrées de la 709. Et puis sur la D600 à Balaruc, entre l'échangeur 33, celui de 7, et Balaruc-les-Bains, même il y a un embouteillage également assez important. Sur la N113, ça coince au niveau de Bayargues et de Vendargues. Soyez prudents. Un mot sur la météo de demain, Elisabeth Patinier. La météo, eh bien, la matinée sera ensoleillée, suivie d'une après-midi un petit peu plus nuageuse, mais les températures sont estivales, voire caniculaires, hein, puisqu'on attend de 23 degrés le matin à 35 l'après-midi. La fête votive a tourné au drame lundi à Saint-Just, à côté de Lunel. Un homme d'environ 70 ans a été percuté par une vachette lors des fêtes votives. Il est mort à l'hôpital de Montpellier, Thomas Pinaroli. Le drame a eu lieu lundi à la mi-journée sur la place centrale du village où se déroule la majeure partie de la fête. Le septuagénaire n'est alors pas dans les petits gradins dressés pour l'occasion. Il est assis sur un muret à proximité de l'enclos. Il ne regarde pas le spectacle, il est au téléphone. À midi, traditionnel lâcher de vachette, mais l'une d'entre elles percute violemment l'homme et le fait tomber. Il est rapidement transporté au CHU de Montpellier dans un état grave. La victime est finalement décédée hier de la suite de ses blessures. On ne sait pas s'il habitait la commune, ni les personnes que nous avons croisées, ni les commerçants ne le connaissaient. Les membres du comité des fêtes sont entendus depuis ce matin par les gendarmes de Lunel. Le maire Yves Quesada doit lui être auditionné samedi. En attendant, le village ne semble pas traumatisé, la fête continue. Plusieurs personnes étaient attablées au bar cet après-midi. La mairie continue de poster le programme des festivités ainsi que des photos sur sa page Facebook. Pas un mot, en revanche, sur l'accident. Les fêtes votives de Saint-Just qui doivent donc se poursuivre jusqu'à samedi. Le recueillement et beaucoup d'interrogations après l'incendie mortel ce matin dans un gîte dans le Haut-Rhin. 11 personnes sont mortes, 17 ont pu sortir à temps. Le feu a pris dans un vieux bâtiment en colombage qui abritait 28 personnes, des adultes handicapés mentaux et légers et leur accompagnateur Patrick Janton. Oui, un feu qui a vraisemblablement pris au premier étage du bâtiment et qui a couvé plusieurs heures avant d'embraser la structure de ce gîte traditionnel, principalement composé de bois. Les pompiers sont arrivés vers 6h45, 14 minutes après avoir été alertés. À ce moment-là, 17 personnes ont déjà pu s'échapper, principalement celles qui dormaient au rez-de-chaussée. 11 autres, en revanche, ont été piégées par les flammes à l'étage. Toutes sont décédées. La priorité, c'est désormais d'identifier formellement ces victimes. Les corps vont être scannés dans la soirée. Des analyses ADN réalisées. L'enquête doit maintenant déterminer l'origine de l'incendie, savoir également si le bâtiment était suffisamment sécurisé, si les lieux, par exemple, pouvaient accueillir autant de personnes, si des issues de secours étaient accessibles ou si une alarme incendie était installée. L'enquête est pour l'instant ouverte en recherche des causes de la mort. Si des erreurs ont été commises, des poursuites pour homicide involontaire pourront être envisagées. Margot Steve pour France Bleu Hérault. Il s'agissait donc d'un centre de vacances adapté pour un groupe de personnes en situation de handicap mental, des pensionnaires originaires de Nancy. Le maire de Nancy, Mathieu Klein. C'est bien sûr un choc, une très profonde tristesse face à la tragédie qui est survenue ce matin dans le Haut-Rhin. Nous sommes évidemment aux côtés des familles, aux côtés des professionnels des différentes associations et structures qui ont envoyé de leurs résidents dans ce centre de vacances. Je veux aussi dire que nous savons à quel point il est difficile d'organiser des vacances et du répit pour les personnes handicapées parfois, parce que trouver les structures adaptées, trouver les personnes pour les encadrer, ce sont des séjours qui nécessitent de gros moyens techniques. Et pourtant, les vacances pour les personnes handicapées, pour les personnes parfois inadaptées mentales, c'est un vrai défi qu'il faut continuer de relever. Donc c'est une tragédie d'autant plus bouleversante que ce sont des personnes qui sont souvent en grande fragilité. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue sur place cet après-midi. Grosse frayeur en Lozère. Une voiture a fait une sortie de route dans la nuit et est retombée sur le toit d'un mobilhome dans un camping en contrebas. Trois personnes dormaient dans le bungalow. Elles n'ont pas été blessées, pas de blessés non plus dans la voiture. Mais ça fait plusieurs années que le gérant de ce camping demande à sécuriser le virage. On le croyait éteint depuis lundi, mais il a repris l'incendie d'Assas aux portes de Montpellier. L'hélicoptère bombardier d'eau a été mobilisé. Les pompiers ne sont pas inquiet. Il devrait être vite maîtrisé. Elle sera versée la semaine prochaine. À partir de mercredi, l'allocation de rentrée scolaire concerne 92 000 enfants dans le département de l'Hérault. Elle va de 400 à 430 euros selon l'âge des enfants. Elle est versée en fonction des revenus. Vous avez toutes les infos sur francebleu.fr. Contrairement aux idées reçues et contrairement aussi à certaines études déjà menées sur le sujet, Facebook n'aurait aucun impact négatif sur le bien-être des jeunes. Une étude menée par l'Institut d'Oxford dans 72 pays sur 1 million d'utilisateurs pendant 12 ans. Facebook pourrait même, dans certains cas, avoir un impact positif sur les jeunes. Enfin, certains jeunes, parce qu'on le sait, Éléonore, les jeunes n'utilisent plus Facebook. Il faudrait mieux faire les mêmes études sur Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube, Twitch, Telegram, WhatsApp ou encore LinkedIn. Vous avez bien révisé. J'ai essayé de tous les énumérer, mais je me suis fait aider par les petits jeunes de la rédaction. Il m'en manquait un. Je les connais pas tous. Vous avez des comptes sur tous les réseaux sociaux, je suppose? Ouh là là, pas tout. TikTok, j'ai jeté un œil, j'ai eu des boutons, j'ai fermé, j'ai désinstallé. Mais sinon, quelques-uns parmi ceux qui avaient bien communiqué. Ouais. Le temps pour demain, un temps, pas du tout à être sur Facebook, un temps à aller à la plage. Oui, absolument. La matinée sera ensoleillée, l'après-midi nuageuse dans le département. Les températures, elles seront comprises entre 23 degrés le matin et 35 l'après-midi. 35 maximum donc à Lodève, à Bédarieux et à Ganges. À Béziers, il fera 34. À Agde et à Saint-Mathieu-de-Tréviers, 33. À Mondagnac et à Pézenas, 31. À Lunel et à Montpellier, 30 degrés. Il n'y aura pas de vent demain. Jusqu'à 19h, sur France Bleu, l'été dans l'Hérault, avec Éléonore Sozo. À 18h45, vous gagnez vos places pour le match de foot de dimanche. C'est le MHSC qui reçoit le Havre à 15h. Agnès Muller, elle, nous fait découvrir une nouvelle adresse à Palavas, un resto qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Et puis, dans quelques minutes, on vous présente les acteurs, les actrices de Montpellier, capitale européenne de la culture 2028. Dans quelques minutes, donc, c'est Mathieu Argot, co-directeur de l'agence artistique Bipolar, avec qui on passera un moment, avec Martin Baudrero, juste après Éric Chardin, l'été sera chaud. Et même s'il pleut, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots, la Côte d'Azur à Saint-Malo. l'été sera chaud. Éric Chardin sur France Bleu Hérault. Vous ne manquez aucun rendez-vous qui compte cet été. Avec France Bleu Hérault. Allez, hop, hop, hop, on vous emmène en 2028. Montpellier rêve de devenir capitale européenne de la culture. Donc jusqu'à la fin du mois d'août, Martin Baudrero nous fait rencontrer celles et ceux qui portent cette candidature. Aujourd'hui, Mathieu Argaud, co-directeur de l'agence artistique Bipolar. Dans le cadre de Montpellier 2028, il porte une idée originale, lancer une grande négociation avec le Lez, le fleuve qui traverse la ville de Montpellier. Mathieu Argaud, bonjour. Bonjour. Alors Mathieu Argaud, vous êtes co-directeur de l'agence Bipolar. C'est une structure qui fait partie de la coopérative Illusion et Macadam. Elle gère entre autres l'altropisme à Montpellier, où on est aujourd'hui. Peut-être d'abord en quelques mots, c'est quoi comme agence Bipolar? Ça fait quoi cette agence? C'est une agence culturelle, artistique. On travaille sur les territoires en essayant d'apporter des actions artistiques qui s'intéressent spécifiquement aux questions de transition écologique sur les territoires, pour voir comment on peut impliquer les habitants avec des actions artistiques, des œuvres, des dispositifs. On peut tout de suite penser que vous êtes le type de structure qui est vraiment impactée par une candidature comme celle de Montpellier pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Comment ça vous a impacté ce projet quand il est apparu? Qu'est-ce que ça a changé pour vous et pour vos projets personnels à Bipolar? Nous, ça nous a donné la possibilité de travailler sur notre territoire, Montpellier, parce qu'on y travaille assez peu. Et ça nous a permis de nous intéresser à ce fleuve, le Lez, ce fleuve côtier, et à ses relations, les relations que peuvent avoir les habitants avec ce fleuve. Vous disiez que vous n'intervenez pas souvent à Montpellier. Bipolar, c'est sur toute la France? Oui, pendant longtemps on a travaillé en France et à l'étranger, très peu dans notre région, mais par simplement parce qu'il y avait des intérêts croisés avec d'autres appels à projets. On est une agence privée, hein, donc on va là où on nous appelle. Et on est basé à Montpellier. Oui, tout à fait. On a beaucoup travaillé ces dernières années sur le Rhône, et c'est ce qui nous a permis aussi de glisser facilement sur le Lez, sans mauvais jeu de mots, tout simplement parce qu'on on travaillait sur les questions de risque inondation avec des dispositifs artistiques, encore une fois, pour voir comment on peut associer les habitants, ceux qui bordent le fleuve sur cette question du risque inondation, et on a eu tendance à renverser un peu la vapeur, poser ce fleuve comme un habitant, le Rhône, et dire voir comment on pouvait le protéger des inondations des humains, pour redonner un peu de ressort artistique aux artistes, parce que sinon c'est un peu sec. Alors justement, on va en parler de ce projet, il s'appelle Rassembler Lez, il y a un jeu de mots pour suivre. Est-ce qu'on peut le raconter un petit peu? En quoi il consiste tout d'abord, pour commencer? Au début, l'idée c'est de voir quels sont les attachements des Montpelliérains à leur fleuve. On est parti, on s'est inscrit dans une fiction qu'on a écrite, une fiction très très courte. Le fleuve s'exprime, ou en tout cas la métropole reçoit une lettre inquiétante qui dit que le fleuve veut faire la grève, en fait, il ne peut plus verser une goutte d'eau si on ne prend pas en compte ses intérêts propres. Il veut qu'on prenne à tâche, qu'on regarde de près comment les Montpelliérains regardent ce fleuve et sont intéressés par ce fleuve. Mais surtout, la demande, c'est une demande de négociation, c'est une demande de négociation entre les habitants et leur fleuve. Puisqu'on est sur les problématiques de ressources en eau, comment les habitants peuvent regarder ce fleuve et comment ils voient l'écosystème de ce fleuve, comment les habitants peuvent s'intéresser. C'est quoi les intérêts d'un fleuve? Et pas seulement les intérêts des habitants. Comment s'est fait ce lien avec cette candidature Montpellier 2028? Le lien s'est fait tout naturellement par le biais des appels à projets. Hein. Parce qu'on n'est pas sur des appels à projets purement artistiques. On est très connecté à des enjeux sociétaux. Là, par exemple, c'est sans doute l'environnement et la question de l'eau. Oui, c'est ça. Ces enjeux sociétaux, ils sont hyper importants. En tout cas, pour nous, ils sont au cœur de nos démarches. Comment on va pouvoir travailler à la fois sur ces problématiques écologiques et en même temps apporter des démarches créatives? C'est ça le point de départ pour nous. Et ce projet, Mathieu Argaud, son lien avec Montpellier 2028, c'est qu'il le connecte à un territoire, il le fait sortir peut-être un peu du simple fait artistique, projet de danse, projet etc., qui sont des super projets, mais la médiation, ça ouvre une nouvelle porte. Oui, nous on travaille beaucoup sur ces médiations sensibles avec l'environnement. C'est notre manière d'intervenir avec des artistes, avec des créatifs, mais aussi là avec Pascal Ferren, par exemple, philosophe, qui était à l'initiative du Parlement de Loire, qui est un dispositif qui a eu lieu donc sur le fleuve Loire, et nous permet aussi de nous connecter avec d'autres initiatives européennes cette fois-ci. C'est comme ça qu'on se projette dans cette candidature à capitale européenne de la culture. Parfait, on est ensemble avec Mathieu Argaud, avec nous au micro de France Bleu. On évoque la candidature de Montpellier 2028 qui souhaite devenir capitale européenne de la culture. On évoque aussi le projet Rassembler Lez. On se retrouve dans quelques instants. The Fool Jane tout de suite sur France Bleu Hérault. Walking on the wire from earth to Venus. star. Jane sur France Bleu Héros, c'est l'un de vos rendez-vous de l'été sur France Bleu Héros. Chaque mercredi, Martin Baudrero passe quelques minutes avec un acteur ou une actrice de la candidature de Montpellier pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Aujourd'hui, Martin est avec Mathieu Argaud, co-directeur de l'agence artistique Bipolar. Nous sommes toujours avec Mathieu Argaud, co-directeur de l'agence Bipolar et membre de la coopérative Illusion et Macadam, qui gère entre autres l'altropisme où on est actuellement. Mathieu, on évoquait il y a quelques minutes le projet Rassembler l'Aise, une sorte de négociation entre les habitants et habitantes de Montpellier et le fleuve. Concrètement, comment ça se passe cette négociation? C'est quoi les premières sessions de négociation qui ont eu lieu? Alors les sessions de négociation, elles ont eu lieu déjà avec un groupe d'habitants donc concernés par ce LES qu'on a rassemblé. Et l'idée, c'est de leur faire suivre un parcours. On est allé voir des scientifiques, on est allé voir l'usine de la source en fait du LES, donc l'usine qui va de pompage. On va aussi aller s'intéresser aux politiques publiques de l'eau pour permettre à ces citoyens de comprendre. Mais aussi, on a fait une séance dernièrement très intéressante pour prendre contact avec ce Lez, avec ce fleuve. Comment on fait? Et là, on a eu une sorte de coach qui est spécialisé pour accompagner des groupes pour prendre contact avec le vivant. Alors pour être très concret, un coach en contact avec un fleuve, ça fait quoi? Ben, ça nous permet de nous donner des outils en fait, hein, pour imaginez-vous, vous vous promenez dans une forêt par exemple et vous lâchez un peu vos intérêts à vous et vous essayez de vous intéresser aux arbres, à l'écosystème qui est là, aux animaux, etc. Et ce coach là, il nous permet de nous donner des outils. Comment on peut rentrer en contact de manière presque méditative parfois. Alors ça peut paraître un petit peu perché, hein, c'est important parce que c'est des démarches issues de l'éco-psychologie qui permettent justement de pas seulement d'être auto-centré, mais de prendre conscience de son environnement. Ça peut être ça. L'idée, c'est peut-être aussi de voir comment des citoyens pourraient prendre part à des décisions concernant l'aménagement de ce fleuve. Et là, on est en train de construire une réponse, d'ailleurs avec le théâtre Jean Villard, où on s'est associé, mais aussi l'université, construire une réponse où en fait on construirait des projets artistiques pour voir comment on pourrait inviter des artistes à imaginer de nouveaux rituels à l'eau, de manière à ce que on puisse projeter les habitants dans des projets culturels. Effectivement, il peut y avoir de la danse, il peut y avoir de la musique, peu importe, il peut y avoir des levées de lune, il peut y avoir des siestes sonores, mais au cœur de ce dispositif, l'idée encore une fois, c'est de se reconnecter avec notre environnement par le biais de dispositifs culturels, artistiques. Et peut-être pour voir un peu la finalité de ce projet, vous espérez à la fin créer un conseil interspécifique du LES, si je le prononce bien. Concrètement, l'objectif final, c'est quoi et à quoi il va faire servir ce conseil ? Bon, on le dit un peu comme une blague, conseil interspécifique. En fait, on veut surtout s'inscrire dans des institutions qui sont existantes. Un fleuve, un bassin versant, il est géré par une clé, une commission locale de l'eau. Ce qu'on imagine, nous, c'est pouvoir intéresser les élus sur ce type de dispositif art citoyen. Le message, on va dire, qu'on essaie de porter et on essaie d'associer le maximum de citoyens à ça, c'est de muscler un peu les citoyens pour prendre part aux grandes décisions qui pourraient venir demain. Pour terminer, Mathieu Argaud, 2028, vous l'avez dit, c'est pas si loin. Si je suis un habitant ou une habitante de Montpellier, mais aussi des communautés de communes autour, parce que ça implique Sète, ça implique Lunel, ça implique plein de villes et plein de territoires de l'Hérault, à quoi je dois m'attendre en 2028 concrètement ? Qu'est-ce que ça va donner ? Eh ben en fait, ça va commencer bien avant si jamais tout ça fonctionne. Dès 2024, on va travailler, commencer à réunir des espèces de comités locaux de négociation avec l'eau, parce que c'est vraiment dans une fiction comme ça d'émancipation de l'eau sur ce territoire qu'on se positionne. Et 2024-2025, ça va monter en puissance. Donc il va y avoir des rendez-vous régulièrement pour arriver à une espèce de climax, bien entendu, en 2028, où là, nous, on imagine pouvoir inviter des artistes européens, des initiatives aussi européenne, citoyenne et artistique, qui viendraient nous raconter un peu comment, quel type de relations ils entretiennent ailleurs, en Pologne, en Suède, en Allemagne, en Italie, et venir nous montrer quel type de liens, quel type de rituels ils pratiquent avec l'eau pour se reconnecter à leur environnement. C'est ça qui nous intéresse en fait. Merci beaucoup Mathieu Argaud. Merci à vous. Et le prochain rendez-vous de Rassemblée d'Est, ça devrait être la ZAT, la zone artistique temporaire, qui a lieu en général à la fin de l'année 2023. On devrait avoir une présentation publique de ce conseil interspécifique du LES. Et dans une quinzaine de minutes, avec France Bleu Hérault, vous gagnez vos places pour le match de foot de dimanche. C'est le MHSC qui affronte le Havre à domicile, donc bien sûr. Ce 20 août, préparez-vous pour le rendez-vous pop-rock et responsable de l'été à Montpellier. Le festival Palmarosa revient pour sa deuxième édition et frappe très fort. Altji, Franz Ferdinand, La Femme, Isia, French 79, Aimé Simone, La Yegros, Osiris et les mixeuses solidaires. De midi à minuit au domaine de Grammont, une extraordinaire fête éco-responsable. Billetterie ouverte sur palmarosa-festival.fr. Remportez vos invitations sur France Bleu Hérault. Vous connaissez Ainsi Grand Soleil, diffusé sur France 2. Mais savez-vous combien de personnes il faut pour fabriquer un épisode ? Pendant ces vacances, je vais tous les rencontrer. Vous voulez des noms ? Oui, il y a plein d'actrices en fait qui n'ont plus de cheveux. Qui ont des cheveux, ouais. Qui en fait... Voilà. Direction le site de production à Vendargues. En tout dans l'équipe, on doit être une douzaine. Pas quand même. Oui. Comédiens, costumiers, menuisiers, techniciens, maquilleurs, réalisateurs, producteurs. Ils fabriquent Ainsi Grand Soleil. Allez, on suit. Tous les jours sur France Bleu Hérault et quand vous voulez sur francebleu.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Hérault, ici, on parle d'ici. Michel Fugain, Viva la Vida sur France Bleu Hérault. Merci de nous avoir choisis, on passe l'été ensemble. Tu claques la porte et tu descends. Qui file au pied d'une inconnue, t'en es tout début. Michel Fugain avec Viva La Vida sur France Bleu Hérault. Sur la 709, il y a eu un accident juste après l'échangeur de Saint-Jean-de-Védas, quand vous allez en direction de Nîmes, donc. Et un accident il y a maintenant une petite demi-heure qui a généré un embouteillage. Donc soyez prudents si vous abordez cette portion-là de l'autoroute, de la 709. À Montpellier, ça coince également au niveau de toutes les entrées de la ville depuis la 709, l'échangeur 30, l'échangeur 31, beaucoup de monde. Et puis sur la D66 également, quand vous abordez le rond-point du Zénith, vous êtes nombreux, ça coince dans les deux sens. À Balaruc, entre Balaruc et l'échangeur 33, donc de la 9, il y a un embouteillage également. Et puis à Agde et entre Agde et Vias sur la D612, il y a également beaucoup de monde dans les deux sens. À Villeneuve-les-Béziers, c'est aux abords du rond-point de la Méditerranée que ça coince. Soyez prudents. Ici, on sort pour profiter de l'été sur France Bleu Hérault. Agnès Muller est avec Didier Thomas Radux, journaliste gastronomique, qui nous partage son coup de cœur. Une petite balade gourmande et surtout une bonne adresse à noter, évidemment, aujourd'hui avec Didier Thomas Radux. Bonjour Didier. Bonjour Agnès. Ah, vous êtes allé dans quel coin pour repérer la bonne adresse du jour? Écoutez, aujourd'hui, on prend un peu large, on va à Palavas. Oui, d'accord. Sur la rive droite. Alors, je le précise, car c'est comme à Paris, il y a les habitants de la rive gauche et ceux de la rive droite. Et pas que ça n'a rien à voir. Ah ben, tout à fait. Voilà. Donc moi, je vous parle de la rive droite du canal, là où se tenait jadis l'un des premiers hôtels de la ville sous le nom de l'Hôtel des Flots Bleus, et qui est devenu ensuite le restaurant L'Aromate. D'accord. Et depuis le début de l'année, le restaurant a été racheté, s'appelle maintenant Les Sales Gosses. Ah, c'est marrant. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, cet établissement dispose d'un espace assez exceptionnel, puisque outre la terrasse de 50 ou 60 places face au canal, les deux salles d'une capacité d'une trentaine de couverts, il y a de caché au fond un superbe patio où on peut loger sans aucune promiscuité au moins 70 personnes. Ah, mais c'est immense. Ah ouais, et c'est le seul établissement de Palavas avec un patio et une telle capacité. C'est vraiment un truc assez joli. Ouais. Donc c'est Jacques Méraville qui a racheté cette affaire, un homme du métier, puisqu'il est à la tête de la brasserie Lutès à Paris. Hein. C'est une super brasserie dans les grands classiques parisiens situés Boulevard Saint-Michel, quasi sur les quais de la Seine. Oui. Donc une adresse avec un gros passage. Il n'est pas venu bronzer ni rejoindre ses confrères à Véronée, les frères Coste à la tête de Plage Palavas, mais sur les conseils de son associé, Dragan Momcilovic. Alors ça ne vous dit rien comme ça, sinon qu'il sent bon les Balkans, mais pourtant Dragan a été une décennie le gérant d'un bar à manger très couru rue Saint-Firmin au centre de Montpellier. Autant pour la qualité des plats et tapas que pour l'ambiance, ça s'appelait le Merle Blanc. D'accord. Ouais, donc c'est Dragan qui a vendu à Jacques Méraville et son épouse les Charmes du Sud, puisqu'ils sont associés. L'avantage, c'est donc ce sont des gens du métier qui savent ce que ça veut dire que de gérer un gros coup de feu et qui savent aussi y compter. Hein. Bah, il vaut mieux vu la taille de l'établissement. Hein. Donc des super pros, des vrais brasseurs, ça fait du bien parfois. Oui. Le chef Laurent Arrazade propose une cuisine d'inspiration méditerranéenne, ce qui est logique, basée sur des produits frais. Je vais beaucoup sur le côté assiette à partager, grosse salade. Vu la chaleur, ça tombe très bien. Et donc vous avez en mode tapas des pimientos de padron, c'est pas très cher, c'est dans les 7 euros, des moules gratinées, des planches de charcuterie ou des planches mixtes, de l'os à moelle rôti. Ah là là. De l'œuf bio marbré à la betterave, etc. Des salades, c'est soit une salade César à 18 euros, soit une salade grecque à 16 euros. C'est même bien conséquent déjà. L'offre de plats et de poissons va du carré d'agneau à la dorade royale sauvage. On est dans les 24-26 euros. En passant par la côte de cochon et le burger, ça n'y échappe pas. C'est moins cher, 18 euros. Sans oublier les encornets à la plancha. Les desserts sont classiques, tiramisu, moelleux au chocolat, soupe de fraises, etc. Vous n'êtes pas chez Ducasse, c'est clair, mais le service est prévenant et aimable. Et la cuisine qui est encore en rodage avec une carte courte quand j'y suis allé, mais pas de critique essentielle. Si les sales gosses, avec la grosse période touristique qui débute, arrivent à envoyer comme on voit dans la brasserie parisienne de Lutèce, ça devrait le faire. Ils seront les rois du pétrole à Palavas. Oui, oui, tout à fait. J'y suis moi allé mi-juin, un peu après qu'ils organisaient une soirée DJ avec Stéphane Pompouniac un dimanche, parce qu'ils se mettent à faire ça. Et il y a fort à parier qu'à partir de septembre, ils pérennisent des soirées thématiques le mercredi ou le jeudi, voire le dimanche. Alors, dans tous les cas, pour l'été, c'est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Et même pour le petit déjeuner. Ben c'est génial. Voilà. Donc c'est des vrais bosseurs. Oui, c'est tout à fait nouveau comme concept à Palavas en plus. Enfin, il n'y a pas d'autre établissement qui ressemble à ça. Voilà. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'appelle Les Sales Gosses. Oui. C'est 21 quai Georges Clémenceau à Palavas. Donc ouvert 7 sur 7. Le téléphone 04 67 85 23 08. Et vous le disiez tout à l'heure, rive droite, c'est important à préciser. Voilà. Merci Didier, à bientôt. À bientôt. Vous retrouvez toutes les bonnes adresses d'Agnès Muller et de ses blogueurs et de ses journalistes gastronomiques sur notre site et sur notre application ici ICI. Robbie Williams tout de suite avec Phil et on joue ensemble dans une dizaine de minutes. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this. control I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins. Robbie Williams avec Phil sur France Bleu Hérault. Tout cet été, découvrez les plus belles pièces de Molière au Festival de l'Illustre Théâtre à Pézenas. Du lundi au dimanche, venez assister à une pièce différente chaque soir avec les Fourberies de Scapin, l'Avare, les Précieuses Ridicules, le Bourgeois Gentilhomme, le Malade Imaginaire et la création Ola et Sganarel sur la vie de Jean-Baptiste Poquelin à Pézenas. Venez profiter d'une soirée conviviale au Festival de l'Illustre Théâtre. C'est tout l'été à Pézenas. Remportez vos invitations en écoutant France Bleu Hérault. Cet été sur France Bleu Hérault, on a décidé de vous aider à mieux remplir le caddie, les placards et le frigo. Manger mieux, manger sain, c'est pas nécessairement manger plus cher, c'est surtout être informé. Pour consommer en connaissance de cause, on est tous les jours avec le docteur Laurent Chevalier. Je vous retrouve tout l'été sur France Bleu pour vous conseiller et vous aider au quotidien dans votre alimentation. Pour faire les bons choix pendant la saison estivale et prendre soin de vous, rendez-vous du lundi au vendredi sur France Bleu. La bande son de votre été sur France Bleu. Dans quelques minutes, on joue ensemble, vous gagnez vos places pour aller voir le MHSC qui affronte donc le Havre ce dimanche à 15h au stade de la Mousson, juste après Vita. Sur les bancs de l'école, les souvenirs restent. Un sourire, une odeur, une

Allez, c'était plutôt pas mal. On va aller frapper à la porte de la chambre 16, Audrey. Vous me direz, d'après vous, qui occupe cette chambre. Room service. Je la trouve triste comme une enfant gâtée qui aurait toujours pas digéré, quoi, qui n'avait pas le droit de faire l'ultime tour de trottinette alors qu'elle en a fait toute la journée. Alors Audrey, c'est qui cette belle voix? Alors je pense que c'est Benjamin Biolay. Exactement Audrey, vous avez tout à fait bien reconnu. Félicitations, vous avez gagné vos places pour aller voir le match de dimanche. Vous aimez le foot Audrey? Alors c'est surtout mon fils de 13 ans qui adore le foot et qui joue au foot et il est fan de Montpellier, donc c'est top, je vais faire une super surprise. Allez, trop bien, amusez-vous bien dimanche alors Audrey. Ben merci. M. Pokora avec Parce que c'est toi tout de suite sur France Bleu Héros. Jours me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, évidemment c'est toi, on aura des victoires malgré nos défaites. Je resterai là, et dans tes beaux yeux je vais y semer des millions d'étoiles. N'oublie pas, n'oublie jamais. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qui me reste, la vie en vaut la peine. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Je t'ai dans le cœur, je t'ai dans la tête. Je te vois partout, tes yeux dans mes yeux et le temps s'arrête. J'en deviens fou, quand j'étais cassé, t'as su me donner un nouveau souffle. J'oublie pas. Non, j'oublie jamais. Je peux pas douter, dès que je t'ai vu, j'ai su que t'étais la bonne. Tombée du ciel, j'étais perdue, mais t'as su changer la donne. Partout où je vais, je sens ta présence, j'entends ta voix qui résonne. J'ai besoin de toi pour exister. Et tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. M. Pokora avec Parce que c'est toi sur France Bleu Héros. France Bleu Héros. Avec vous pour profiter de l'été. Amour, coquillage, coquinerie, c'est la chronique de Florence Giraud qui aujourd'hui s'est rendue dans la capitale du libertinage au Cap d'Agde pour vous demander quelles étaient vos pratiques libertines. Bonjour, je m'appelle Florence de France Bleu Héros et vous, c'est comment? Pascal. Vous avez quel âge? 42. Quand vous allez dans les clubs libertins, quelles sont vos pratiques? Souvent, on commence une soirée sans savoir jusqu'où on va aller, même si quand on est mélangiste, on est rarement échangiste, d'ailleurs. Mais on peut très bien passer une soirée uniquement apéro, en club, comme on pourrait aller en discothèque standard. C'est pas parce qu'effectivement on est mélangiste que systématiquement, tous les soirs quand on va en club, c'est pour se mélanger. C'est avant tout pour passer du bon temps et avant tout pour effectivement mélanger liberté, respect et profit. Alors moi c'est Cédric. Enchanté Cédric, vous avez quel âge? 49. Après c'est vrai qu'ici il y a quand même une sexualité qui est un peu plus débridée on va dire, pour beaucoup. Mais pas forcément pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas forcément libertin. Ici, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui aiment juste venir pour l'ambiance, pour l'atmosphère, mais ils font pas de choses avec d'autres personnes. Et puis il y en a qui viennent justement plus pour le côté libertin. Et, donc chacun y trouve ce qu'il veut y trouver, en fin de compte. Et vous, c'est comment? Sophie. Olivier. 55 ans. et je vais avoir 55 ans bientôt. On va dans les clubs, mais on n'y va pas pour le libertinage. C'est pas notre truc. Mais par contre, moi, quand j'achète une petite tenue sympa, il y a que là qu'elle peut la porter. Donc on va dire oui, mais c'est pas pour ça que c'est. Mais on pratique pas sur place et tout, mais je sais pas si elle est après et tout ça, ça engendre des petits plaisirs, quoi. Mais bon, voilà, il y en a pour tout le monde, quoi. Dans les boîtes comme ça, rien n'est imposé. Et vous, c'est comment ? Bonjour Florence, je m'appelle Michel, j'ai 60 ans. Quelles sont vos pratiques en libertinage ? Oh, excellente question, ça. C'est vilain, ça. Alors, bon, un petit peu le basique. L'échangisme ? Non. Vous êtes plutôt côte-à-côtisme ? Oui, plutôt ça. Et puis, surtout avec des objets, mais pas de foi. Pas de foi, ça veut dire quoi ? Du fouet. De fouet. Ah, de fouet. De fouet. Voilà, ça fait mal. Oh, mais sinon, voilà, de toute façon, ça se fait à deux. Donc, voilà, c'est pas parce que moi j'aimerais des choses que mon épouse le ferait. Donc, non, après, il faut pas être fermé à tout. Il faut être ouvert. Donc, par exemple, pas de BDSM puisque vous aimez pas le fouet, mais par exemple le bondage. Ah, jamais essayé. Est-ce que ça vous tenterait ? Honnêtement, oui, parce que on aime bien découvrir. Après, je sais pas, mais pourquoi pas ? Il faut pas être fermé. Et puis on reste dans le thème avec Marvin Gaye, Sexual Healing sur France Bleu Héros. Rising and rising, and when I get that feeling, I want sexual.